ailleurs. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux. Moi j'aime bien ton petit regard malicieux. J'aime bien quand tu te dessapes dans mon pied. J'aime bien quand on est deux. Yeah. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te caresse. Et je sais que t'aimes pas trop quand je m'arrête. J'aime bien quand je tire tes cheveux bien dans la rue. J'aime bien tout ce que tu fais. J'aime bien ta bouche sur le bout de ma haie. Je sais que t'aimes bien le bout de ma haie. Et tu kiffes quand je sur tes haies. J'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien ce que tu représentes, je fais des efforts. J'aime bien tes seins, tes seufs, j'aime bien tes formes. J'aime bien ta face, ta bouche, j'aime bien ton corps. Je t'aime bien. J'aime bien écouter ce son quand je pense à Watt. Je sais que t'aimes bien ce que je fais avec mes watts. Fais ta hit, t'en capte, tu me rejoins. On roule, on pèse, on roule des joints. Les avec toi, c'est plus tard là, on mance. On fait l'amour, après on recommence. Avec toi, c'est fou ce que j'aime le sexe. Retourne-toi, mets-toi sur le texte. Tu parles pas noir, tu me prends jamais la tête. On le fait sans gêne, on le fait sans latex. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te touche. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te couche. J'aime bien le matin ou juste après la douche. J'aime quand tu cries avec mes doigts dans ta bouche. J'aime bien te regarder, je sais que tu simules jamais. J'aime bien quand on finit en simultané. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. Yeah.